Pour retrouver la table d'hôte en ce mercredi midi 24 octobre, il est 12h30, en compagnie de Laura Corriveau, Marco Brousseau, toujours. Moi-même Louis Lahérois, alors qu'on accueille en studio Raymond Poirier, notre chroniqueur spécialiste en technologie. Raymond, comment ça va? Mais ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Et ce midi, tu nous parles de sécurité en lien avec la mobilité, donc téléphone mobile, j'imagine, tout ça. Exactement, mais c'est un peu incontournable, en fait, il faut dire, d'aborder la question des réseaux et de la mobilité au sens large. On dit à certains égards que présentement, on est en train de vivre une révolution qui est à l'égal de l'apparition d'Internet au milieu des années 90. Donc, c'est vraiment un changement structurant, un changement structural. Internet, ça a repensé la manière dont on travaille, dont on échange. Et évidemment, la mobilité, c'est dans cette tendance-là, mais c'est aussi une autre réinvention des modes de fonctionnement, des modes, des approches, etc. On n'a plus les mêmes attentes. Et en même temps, ça a amené aussi certains défis quand on pense aux entreprises, aux institutions. Donc, tout lieu de travail, au bout du compte... dans l'intégration de ces bidules-là. Parce que souvent, en fait, on parle, il y a une expression sur laquelle on revient de temps en temps dans cette chronique-ci, qui est le « bring your own device », donc apporte ton propre appareil. Et ce qui fait que cette intégration donc des appareils mobiles, donc on pense aux téléphones intelligents, tablettes et autres, eh bien, ça s'est pas fait par la volonté de l'entreprise, ça s'est fait par la volonté des employés qui disaient « mais regarde, j'utilise dans ma vie personnelle, je veux l'utiliser dans ma vie professionnelle également ». Donc, les entreprises sont pognées avec ça? Ils sont pognées avec ça, ils n'ont pas vraiment le choix de l'intégrer et c'est pour eux un avantage autant qu'à certains égards un inconvénient. Bon, il y a des avantages qui sont clairs, qui sont nets, qu'on pense simplement en matière de productivité. Donc, on se retrouvait au départ avec un employé qui était là de 9 à 5, 5 jours semaine, mais là, subitement, cet employé-là, il est rejoignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Probablement, je parle pour moi, mais probablement que c'est le cas pour beaucoup d'auditeurs, auditrices et de gens ici, nos courriels, on les regarde pas seulement sur les heures ouvrables, on les regarde un peu n'importe quand, que ce soit des courriels de travail, que ce soit des courriels personnels. Il n'y a plus cette distinction-là. Donc, ce qui fait que notre employé, il est beaucoup plus productif si on lui laisse utiliser ses bidules, si on lui laisse utiliser ses appareils mobiles et avoir ses accès à distance. Donc, c'est un avantage qui est extrêmement intéressant. Évidemment, à ça s'ajoute aussi l'inconvénient que les employés peuvent perdre leur temps, si je peux me permettre. Nos chers étudiants qui vont sur Facebook alors que le professeur Facebook, discours c'est quoi, à ça, l'avant. Facebook, je connais pas ça. Ça, c'est toujours le défi. En fait, est-ce qu'on va diminuer la productivité d'un travailleur si on lui donne des accès à des réseaux sociaux et autres, ou au contraire, est-ce qu'on va l'augmenter? Parce qu'il y a des études qui nous disent un peu l'un et un peu l'autre à différents degrés. Là, il y en a qui disent, ben oui, effectivement, c'est distrayant, mais il y en a d'autres qui disent, ben, cette distraction-là rend les moments de travail un peu plus actifs. Et parallèlement, c'est un peu dans la même logique qu'à un moment donné, je pense que c'est des années 60-50, je sais pas trop, il y avait le téléphone qui est apparu, qui s'est généralisé, et au début, on disait, ben, on laissera pas accès au téléphone aux gens, on leur laisse, ils vont pouvoir appeler n'importe qui sur les heures de travail, ils travailleront plus, ils vont toujours être en train de se téléphoner. Finalement, est-ce qu'on penserait aujourd'hui un bureau sans téléphone? Ben absolument pas. Non, absolument pas. Donc, c'est probablement un peu la même chose à terme qui va s'en venir avec les médias sociaux. Probablement que dans 10-20 ans, on va rire du fait qu'on remettait en question l'idée d'intégrer les médias sociaux aux tâches, aux charges, aux postes de travail des employés. C'est un genre de remix quasiment justement du téléphone là, qu'on est en train de connaître actuellement avec les médias sociaux, les technologies plus mobiles. Là. Mais en fait, c'est que tout peut être intégré à différents degrés. On parlait de productivité. Ouais. Au niveau de la mobilité, il y a certaines entreprises qui ont des employés qui sont sur le terrain, donc qui ont à se déplacer, à aller faire des actions, exemple en service client, directement chez les gens. Donc, la mobilité permet à ces gens-là d'avoir un poste de travail dans leur véhicule, donc de ne plus avoir besoin de revenir en cours de journée au bureau chef pour rendre des rapports, pour compléter. Non. Tout se fait directement. Le bureau chef peut les rejoindre facilement via des téléphones portables. On peut leur donner leurs assignations de travail via les systèmes mobiles également. Donc, ça devient extrêmement avantageux. Parallèlement, si moi j'ai une réunion éventuellement que je dois me déplacer pendant 6 heures pour m'y rendre, ben ces 6 heures-là, ça sera pas non plus du temps perdu en matière de productivité. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui sont très positifs. Évidemment, il y a des questions. Pour l'instant, rien n'est prouvé de manière définitive que c'est effectivement un avantage, mais reste que qu'au-delà de la préoccupation du jeu ou de l'aspect ludique du web, l'autre grand défi, et même le principal défi, ce serait la question de sécurité. Donc, si on dit éventuellement que il y a eu des ralentissements investissement dans l'intégration des bidules mobiles, dans l'intégration des médias sociaux et autres en entreprise, c'est en bonne partie dû aux problématiques de sécurité. Parce que là, on arrive avec des appareils qu'on veut utiliser pour le travail, sur lesquels on veut transférer de l'information dense, importante, mais évidemment, ces appareils-là ne sont pas aussi sécurisés que nos réseaux d'entreprise. Donc, ils sont plus accessibles par des tierces parties, exemple, qui voudraient en tirer profit. Exactement. Moi, je ferais le parallèle, si tu permets, avec le journalisme. Donc, le journalisme a été révolutionné par cet apport en médias sociaux et en mobilité. Donc, un journaliste qui va, par exemple, qui est sur la Côte-Nord, qui se déplace de cette île, qui fait une heure de route pour aller faire un reportage, bien, pendant cette heure, peut appeler ses sources, peut vérifier Internet, peut... Bon, c'est encore drôle parce que, bon, il faut qu'il y ait accès, là. Là, je parlais de la Côte-Nord. Des fois, c'est pas évident. Mais c'est sûr que pour les gens qui sont en déplacement souvent, comme les journalistes le sont souvent, toujours en déplacement pour aller à la rencontre des gens, ben peuvent suivre récents développements, exemple dans un fait divers, un incendie, suivre les développements pendant qu'ils sont en route. Et ça amène un autre défi, parce qu'éventuellement, qui dit mobile, évidemment, dit sans fil. Encore faut-il avoir accès à Internet. Et parallèlement, les gens demandent justement de plus en plus d'avoir accès un peu partout au web. Donc oui, il y a les réseaux 3G, mais ce qu'on dit beaucoup, c'est que dans des situations de déplacement, des fois, ça devient pas très avantageux. Mm-hmm. Si on voyage, on change de place, on tombe sur notre 3G, on télécharge des données, il y a des frais de distance, il y a des frais additionnels. Donc c'est complexe. Et donc, les gens disent, ben on veut avoir accès à du sans fil gratuit, idéalement. Évidemment, il y a des coûts d'infrastructure et le reste, mais c'est fou. En fait, je suis tombé sur un article récemment qui nous donnait quelques exemples d'où le sans-fil était rendu. Et j'avoue que je n'avais pas réalisé que c'en était rendu là. Exemple, il y a une entreprise, Virgin Galactic, qui vous permet d'aller dans l'espace. Donc, c'est pour à peu près, je crois, peut-être 40 000 $ 30 000 $ ben, on peut faire un petit voyage. Donc, une montée dans l'espace. Et évidemment, ben, cette montée-là, je pourrais avoir envie de la tweeter. Bon, si je veux envoyer mes gazouillis dans l'espace avec le 3G, c'est pas nécessairement avantageux. Donc, il y a Internet Wi-Fi, il y a Internet sans fil gratuit sur ce circuit-là. Autre exemple, si en fin de semaine, je m'en vais monter l'Everest, eh bien, je pourrais avoir envie de tweeter mon expérience de monter de l'Everest, de prendre des photos, de les envoyer à mon réseau. Et évidemment, encore là, avec le 3G, c'est pas avantageux. Il y avait de la demande de par les grimpeurs. Et donc, il y a une entreprise, je crois qu'une entreprise suédoise, qui a pris sur elle d'installer des hotspots. Il y en a quelques-uns sur le circuit de montée. Le plus haut est à 5100 mètres d'altitude. C'est le plus haut hotspot Wi-Fi du monde, d'ailleurs. Mais donc, on peut avoir accès à différents lieux, à du sans-fil gratuit sur le mont Everest. Donc, avec tes mitaines, tes doigts gelés, ton manque d'oxygène, tu peux quand même tweeter. Exactement. Mais actuellement, là, est-ce qu'on se retrouve avec une extension du corps humain, carrément? Les technologies mobiles, là, ça commence à quasiment être partie de notre corps, tellement qu'on l'a souvent dans la main et tout. Est-ce qu'on se retrouve, peut-être qu'un jour, ça va être carrément intégré, tu sais, si ça va faire partie du lever, du matin, du coucher? Ouais, ça a une importance incroyable. Je fais un petit parallèle, un petit clin d'œil à mon directeur technique ici, Achise, Vincent Beaulieu. Il nous est arrivé un pépin lors de la diffusion du match du Rouge et Or football à Montréal. Puis c'est notre technicien qui a diffusé le match avec le réseau 3G de son téléphone cellulaire. Bon, ça lui a coûté un bras, mais de là, on va l'utiliser, l'avantage. Ah ben ça, on n'en parle pas en nom de Marco. Mais oui, c'est ça. On parle de l'utilité du réseau puis de l'avantage de la mobilité. Ben, il y a 10 ans, on n'aurait pas pu diffuser. Non, puis en fait, comme tu dis, tu amènes un point intéressant dans la mesure où de plus en plus, on s'attend aussi à avoir accès à cet outil-là, à pouvoir l'utiliser librement. Veux pas, en fait, quand on parle d'Internet, c'est quand même un univers de savoir sans frontières ou presque, qui est à notre disponibilité dans la mesure où on est capable de l'utiliser, évidemment. Mais dans le fond, il y avait certains penseurs, je ne dirais pas chercheurs, mais certains penseurs qui disaient ben, qu'on est rendu un peu à l'étape de l'être humain augmenté. Donc, dans le fond, déjà, il y a une extension cybernétique qui est à notre portée, qui peut être utilisée, intégrée. Mais par contre, évidemment, quand on parle de demande, on dit qu'il y a de plus en plus de demandes au niveau de la mobilité. On vient de le voir, le sans-fil gratuit, ça semble préconisé, mais à la base, l'accès au sans-fil autre que le 3G semble préconisé. La gratuité, ce n'est pas encore gagné. De plus en plus, on est en train de voir certaines entreprises entreprises qui font un virage à l'inverse, où ils disent ben les gens veulent avoir accès au sans-fil. Les gens se disent, peut-être, exemple, dans des hôtels de chaîne internationale, ben si le 3G coûte tant, ben probablement qu'ils seraient prêts à payer 1 $ par jour, 50 sous par jour, 2 $ par jour pour avoir accès au Wi-Fi de l'établissement hôtelier. Et donc, là-dessus, il va y avoir un mouvement, et on le voit déjà apparaître dans certaines chaînes, dans les volets touristiques, donc d'un Wi-Fi payant qui risque de faire un peu de chemin aussi. Évidemment, ensuite, ça va dépendre du consommateur, de l'utilisateur, à savoir, est-ce qu'on va les intégrer? Mais ça sous-tend aussi l'autre grande question quand on parle de villes sans fil, par exemple. On le voit de plus en plus à Québec, Montréal aussi avec Îles sans fil et d'autres. Il y a une volonté de faire ça. Mais évidemment, quand on met en place des infrastructures sans fil, il y a un coût associé. C'est pas gratuit de mettre en place le réseau, la fibre optique, etc., etc. Donc, il y a un coût qui est élevé. Et ça aussi, je parlais du défi de la sécurité, mais il y a le défi des infrastructures aussi qui risque d'être à surveiller. Et ça sera intéressant de voir aussi comment ça va progresser au cours des années, parce que si on va... je travaille pour l'Institut Technologie de l'Information et Société ici à l'université. L'un de nos instituts affiliés, l'un de nos centres affiliés, c'est le Centre d'optique photonique et laser. Et là-bas, il y a des chercheurs comme Leslie Roche ou Younes Messadek qui travaillent au développement de nouveaux modes de fibre optique qui pourraient avoir plus de données, coûter moins cher à produire, donc résoudre et répondre aux défis des infrastructures qui s'en viennent au fil des prochaines années. Il y a des défis aussi, j'imagine, je ne sais pas si tu me parlais d'urbanité, je trouve ça intéressant, mais j'imagine que ça va amener de grands défis aussi pour les compagnies qui distribuent en région, là où est-ce que c'est pas rentable. Et il y a de la demande aussi là-bas, nécessairement. Il y a des services aussi qui sont offerts. La question de la rentabilité est intéressante. Il y a d'autres chercheurs aussi qui s'intéressent, dans la mesure où le calcul qu'il y aura à faire, c'est est-ce que parfois c'est plus avantageux de s'assurer qu'il y ait un accès réseau, que ce soit avec fil ou sans fil, avec fibre optique ou sans fil, fibre optique, pour pouvoir offrir des services qui sont présentement offerts sur Internet, ou est-ce que c'est plus facile d'avoir des gens sur place pour rendre certains de ces services-là disponibles. Donc, il y a beaucoup de réflexions, exemple, au niveau des services gouvernementaux, des comptoirs, des éléments comme ça, qui sont disponibles sur le web, qui sont retirés en partie de l'univers physique, si on peut dire, outre une aide téléphonique et le reste. Donc, il y a ces éléments-là aussi, surtout dans un contexte où, je pense que c'était en 2010-2008, l'ONU qui avait dit, regardez, l'accès à Internet devient un droit, parce que ça devient une part de plus en plus importante de l'acte de citoyenneté. Donc, il y a une question aussi d'accès et d'équité dans l'accès. Donc, dans la notion des régions, il y a le facteur de rentabilité, mais au niveau gouvernemental, donc ça, c'est plus pour l'entreprise privée, mais par contre, au niveau gouvernemental, il y a la question justement d'équité et il y a la question de rentabilité sur les services et sur la diffusion de l'information. Très intéressant. Marco, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Moi, c'était plus une question pour toi, Raymond. D'après toi, là, tout ce qu'on voit dans les émissions là, comme Gamer, là, le film Gamer avec Gerard Butler, on voit le gars qui se promène toutes ses pages, qui est dans sa chambre, qui a quasiment une sphère Internet. Est-ce que tu penses qu'un jour ça pourrait arriver tout ça? L'intégration à un tel point où c'est que Internet, les technologies les mobiles, l'humain pourrait avoir accès à ça dans son environnement physique. Un certain placement de l'univers cybernétique dans la technologie physique, avec moins de support physique. Oui, c'est ça. Là. En fait, je dirais ceci. J'ai discuté avec des gens du laboratoire de vision et systèmes numériques il y a quelques temps et ils me disaient, regardez, Facebook, présentement, c'est en 2D, mais d'ici seulement quelques années, les technologies vont pouvoir, selon toute vraisemblance, nous amener Facebook en 3D. Donc, on n'est pas très loin d'avancées qui vont vraiment changer nos modes de contact avec l'informatique, évidemment, mais aussi que les technologies vont être en mesure de nous offrir de plus en plus de choses au cours des années. Il y a des perspectives qui sont développées en recherche, des environnements immersifs, des contacts sans interface, etc. C'est quand même délirant. Donc, il y a des éléments qui se développent en recherche ici à l'Université Laval comme ailleurs et qui... appartiennent encore en partie à notre imaginaire de science-fiction, mais qui sont en train de se réfléchir, de se faire, de se développer. Donc, je pense que là-dessus, les prochaines années et la prochaine décennie sera extrêmement intéressante à voir aller. Il va falloir faire attention dans l'utilisation, puisque, comme on connaît le téléphone, par exemple, on parlait du téléphone tantôt, il y a eu des abus, il y a eu des abus partout. L'intimidation, par exemple. C'est ça, par exemple, les Facebook, entre autres, justement. Fait que... énormément de débats qui sont reliés à ça. Ah oui, c'est clair. C'est très intéressant d'entendre tes chroniques à chaque midi, Raymond. C'est la deuxième, je pense, que j'ai l'honneur d'animer Au fond, la dernière, je n'animais pas. Bon, celle-là, j'anime. En tout cas, on ne va pas se mêler. Toujours très intéressant. Raymond Poirier avec la chronique techno. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Et si les gens veulent explorer un peu l'univers et la recherche qui se fait, allez sur le site de l'Institut de technologie de l'information et société, itis.ulaval.ca. Vous allez trouver des liens. Allez dans notre section revue de presse aussi. Vous allez tomber sur certains des articles dont j'ai fait mention aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Raymond Poirier, encore une fois.